La nuit, les feux ne durent pas plus longtemps que le jour. C'est sans doute la patience des conducteurs qui est plus émoussée. Le feu est rouge. Il va certainement repasser au vert d'un moment à l'autre. En attendant, je peux m'avancer doucement parce que je suis encore loin. Mais en aucun cas, je ne peux franchir un feu rouge. Réponse B.